tout en couleur, sans défiance, où des peaux brunes et blondes ont rallumé une espérance, sans appréhension et sans peur, au rythme des élans du cœur. Des hommes se déchirent, des enfants se désirent, il reste un peu d'espoir. Regardons les sourires, ils nous aident à comprendre, nous invitent à aimer. Détruisant le venin qui abîme l'humain, je connais un monde tout en couleur, sans méfiance, où des peaux brunes et blondes ont rallumé une espérance, sans appréhension et sans peur. Qu'on n'a pas les mêmes valeurs. Lorsqu'on entend ses enfants rire, nul ne peut prétendre empêcher les hommes de se mélanger. Comment taire la foi nous donne en émoi. Je connais un monde tout en couleur, sans défiance, où des peaux brunes et blondes ont rallumé une espérance, sans appréhension et sans peur.